Progressive Cafe Mix. Progressive Session Mix on Galaxy. Hey. avec Guillaume sur Galaxy. sur Galaxy. We'll be right back. Progressive Session Mix on Galaxy. avec Guillaume sur Galaxy. Thank you. Progressive Sessions on Galaxy. We'll be right back.